Audiomatique. En ouverture de cette transmission 095 d'Audiomatique, nous vous proposions le défunt groupe anglais Bourbonese Qualk et leur composition Temporale, tirée de leur dernier album On Uncertainty. Le trio Bourbonese Qualk a été fondé en 1979 et est devenu un groupe marquant sur la scène de la musique industrielle expérimentale, en partie à cause de leur activisme politique. En 1987, deux des membres ont quitté la formation, laissant Simon Crabb poursuivre les activités du groupe en s'alliant avec d'autres collaborateurs, dont le guitariste Miles Miles. Le lancement de l'album On Uncertainty en 2001 brisait un hiatus de 8 ans dans la discographie de Bourbonese Qualk, qui a cessé d'exister en 2003 après la mort de Miles Miles. Les artistes offrent leur art à l'encyclopédie culturelle de l'humanité, que ce soit dans le champ littéraire, visuel ou musical. Dans cette encyclopédie, chaque œuvre s'inscrit dans une temporalité où elle est créée et les récepteurs qui existent au moment où l'artiste fait offrande de son œuvre lors d'une performance publique doivent avoir conscience qu'il s'agit là d'un privilège. Bien que les œuvres survivent aux artistes, la mort entraîne la perte de toute performance authentique de l'œuvre. Le fait d'accéder à la performance publique et authentique d'une œuvre par ses compositeurs commande donc tout le respect d'un tel privilège. Parce qu'assister à la performance publique est un moment unique, ce n'est pas comme écouter un album à répétition chez soi. La performance publique ouvre la communion entre l'artiste et ses auditeurs. Chaque seconde devient importante parce qu'elle ne sera pas répétée autrement. Il convient donc d'apprécier chaque note, chaque son, chaque variation, chaque tonalité, chaque mot que les artistes donnent à percevoir aux auditeurs durant leur performance. Et il convient surtout de respecter ceux qui veulent écouter et apprécier le discours musical de l'artiste et s'en laisser inspirer des émotions. Malheureusement, cette notion de respect a tendance à se perdre alors que les individus se regroupent en masse de plus en plus dense pour assister à une performance artistique. L'intelligence des individus tend à faiblir alors que leur nombre augmente, et c'est en présence de 45 000 d'entre eux que les irrespectueux illuminent leur petitesse d'esprit. C'est ce que les électronistes ont constaté dimanche soir alors qu'ils assistaient au concert de Radiohead dans le cadre du festival Oshaga. Comme l'a si bien dit le chroniqueur de la presse Alain Brunet, il fallait travailler très fort pour discerner ce qui se passait sur la scène ou bien s'éloigner de ces festivaliers irrespectueux qui s'étaient payés une expérience, un bruit de fond haut de gamme au lieu d'un spectacle total auquel on doit se consacrer pleinement. C'est notamment pendant la superbe pièce Daydreaming du tout nouvel album de Radiohead que l'aberration a frappé les électronistes et leurs compères venus contempler une œuvre d'art musical. Un moment qui aurait dû être sacré parce que les artistes nous transmettent avec cette pièce une émotion vive. Une pièce d'une grande beauté et un moment d'une grande profondeur qui ont été ruinés par le manque de conscience de la valeur artistique et historique de la performance publique de l'œuvre musicale de Radiohead. En diffusant publiquement sur les ondes radiophoniques la pièce Daydreaming dans les prochains instants, les électronistes savent très bien que nous sommes loin de l'acte de la performance, mais ils veulent tout de même offrir cette pièce aux auditeurs d'Audiomatique et l'écouter avec tout le respect qu'on doit à ses créateurs. Écouter, contempler, apprécier, respecter l'œuvre musicale. Of no return. Cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique du duo Heat Static. La pièce que nous écoutions, In All Worlds, met à contribution, vous l'aurez peut-être remarqué, l'artiste Robert Smith de la formation The Cure, qui ajoute ses partitions de guitare et de voix à la musique d'Heat Static. Cette pièce se trouve sur la plus récente parution d'Heat Static, un excellent album double intitulé Dead Planet. Et nous amorcions cette séquence avec Radiohead et la pièce Daydreaming qu'on peut trouver sur leur nouvel album A Moon-Shaped Pool. À Audiomatique, une autre séquence musicale nous attend, introduite cette fois par le duo new-yorkais Bowery Electric. imagine what clears a mountain stream. The mind revealing itself to itself. In my vision, I was on the veranda of a vast estate, a palazzo of some fantastic proportion. Seemed to emanate from it a light from within, this gleaming radiant marble. I'd known this place. I'd in fact been born and raised in it. It was my first return. Vision. 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes assez vous? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Précédemment, à la pause dite publicitaire, nous entendions le projet français Mimétic Mute, qui est mené par Jérôme Soudan. Il nous présentait ici la pièce Moot Point, extraite de son album Négative. Mentionnons au passage que Mimétic était en spectacle le 21 juillet dernier au Montréal Electronic Groove, ou plus communément appelé le MEG. Précédemment à Mimétic Mute, nous avions droit au projet Biosphere du Norvégien Geir Jensen, qui a déjà collaboré avec les groupes Bel Canto, Higher Intelligence Agency, Death Prod et Pete Namluk. Nous entendions sa composition ambiante Hyperborea, qui est tirée de l'album Substrata, paru en 1997, et réédité en 2001 avec en bonus l'album Men with a Movie Camera, qui est en fait une bande sonore composée pour le film muet russe de 1929, L'homme à la caméra. D'ailleurs, plusieurs autres artistes ont composé des bandes sonores pour ce film, comme entre autres In the Nursery et The Cinematic Orchestra. Et pour débuter ce bloc, le duo new-yorkais Bowery Electric, formé en 1994 par Lawrence Chandler et Martha Schwendener, nous interprétaient la pièce Floating World, qui ouvre leur troisième et dernier album Lush Life, lancé en 1999, peu de temps avant que le duo soit dissous en 2000. Allons-y maintenant à Audiomatique avec une longue pièce du projet Bio Bazar de l'artiste trifluvien Danny Janvier, soit la saga du Vinland. Une seule pièce composait cette séquence musicale, soit la saga du Vinland du projet Biobazar mené par l'artiste trifluvien Danny Janvier. Cette pièce se trouve sur son plus récent album intitulé Pareidoli. Le mandat de mener à terme cette transmission 095 d'Audiomatique sera confié à l'artiste anglais Andrew Day, qui, sous son pseudonyme Black Faction, s'exécutera en nous présentant une version de sa pièce Cartesian, qu'il a lui-même remixée. Cette version se retrouve sur l'album Reworked, qui comprend deux des pièces de Black Faction remixées par différents artistes. Les électronistes espèrent que vous avez apprécié cette transmission d'Audiomatique et ils vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour vous proposer leur transmission 096 en direct des studios de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, n'hésitez surtout pas à découvrir notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Vous aurez accès à toutes nos anciennes transmissions. Voici donc Black Faction et la pièce Cartesian, remixée par Black Faction. Bonne écoute et bonne semaine.